fiction. Je rentre dans ce gouffre, je m'étouffe et je souffre dans l'affliction. Dans l'affliction. Strange Blue, on s'éloigne dans ce flou. Pas de paradis pour eux, loin d'un ciel tout bleu. On se noie dans ce décor, c'est peut-être un peu fin. Peut-être à demain. Strange Blue.